Nami pesi toto mo bimba na yo. Nami kangi nanda kompona kose la kayo. Solo na jure mo balise yo. Nana boy nyonso se no yanse. Nami pesi toto mo bimba na yo. Nami kangi nanda kompona kose la kayo. Solo na jure mo balise yo. Belle et libre, man, as we trouble, n'a la moutine, mais pas pour mina. Et là, qu'on a l'ingana, monte, man, a pessin, d'autres papa, d'inga, papa, d'inga. Mami, tuni, mami, tuni, mon pepe, oye, bouti, wapi, doki, nani, a ti, mi, zombo, la toni, baï, de ma bé. Babo minga banya, ah mama babo minga. Wana mama okoti singa molili, na epi nangali sumu nini na salite, na yoki okuka na okotesa na etu, oyebi yomo kondenge na nipesa na yo. Papa Bania Léopold, Mbiye Irène Bijou, Mingi Mingi. Kamata. Yeah. Cabo Cito Yamaha.